faisons le point. J'entends une voix qui m'appelle tout le temps. J'ai un droïde qui tente de m'assassiner sans arrêt. Et il y a toute cette histoire de Gaver. Je croyais qu'on en avait fini avec ces histoires de Kyber noir. J'ai l'impression que quelqu'un veut s'en prendre à moi. Attends, t'oublies les autres élèves qui se sont fait attaquer. C'est déjà le troisième cette semaine. Et on est lundi. Ok, ok, mais tu sais ce qui est encore plus intéressant? Le nouveau prof, c'est... Alors? On n'attend pas Lando? Trop la classe! Cette caverne devrait rester cachée. Mais avec quelqu'un d'aussi puissant que toi, ça ne m'étonne pas qu'elle ait décidé de se manifester. Un savoir perdu, oui, mais pas oublié. Non. Elle nous fait voir des choses que notre cœur désire. Parfois, tout simplement... Montrez. Jouez. Et parfois de manière plus... cruelle. Allez, venez ici, personne. Hey, personne. Épisode 2, la caverne du côté obscur. Septembre 2019, sur thegrenadines.fr.